Ce vendredi à la vie en BD, on décortique la programmation 2015 du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Grosse émission aujourd'hui parce que on va survoler justement la programmation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, 28e édition de cet événement-là avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'activités, expositions, lancements, spectacles, etc. Alors le directeur général du festival, Thomas-Louis Côté, sera avec nous pour une bonne partie d'émission. Question justement de nous présenter cet ensemble. Et sinon, en fin de parcours, eh bien, il y aura Mathieu Place qui sera de passage pour nous parler bande dessinée anglophone. Ce mois-ci, il va s'intéresser à la série Saga, entre autres sujets. Sinon, dans l'actualité BD, ben on parle notamment, ben évidemment, de cette décision de l'auteur Yves Rodier, auteur, entre autres, de la série El Spectro, d'abandonner la bande dessinée. Une décision qu'il a fait connaître au fil de la journée aujourd'hui via son compte Facebook. Parmi les raisons qu'il invoque, il critique notamment la manière de faire de la bande dessinée aujourd'hui. Les, disons, modes de fonctionnement des éditeurs qui change un peu, et peut-être un peu trop, les modes de travail des auteurs et qui enlève peut-être d'une certaine manière la dimension de plaisir liée à la production BD, du moins dans sa perspective. Alors, il dit, entre autres, donc, nous vivons maintenant dans une économie de surproduction où on nous demande de tout faire de plus en plus vite. Il faut sortir un nouvel album, sinon les lecteurs vont oublier. Pourquoi les éditeurs aiment tant les BD dites d'auteur maintenant, c'est qu'elles peuvent être vite dessinées. L'emphase est mise sur le message et non sur l'art. Mais j'ai pas envie d'attaquer ce genre ou un autre en particulier. Comme je l'ai dit, le vrai problème est qu'on demande maintenant de surproduire pour combler une demande fabriquée de toutes pièces. Alors, c'est un extrait de ce long texte d'ailleurs qu'on a relayé via justement la page Facebook de La Vie en BD, donc facebook.com/La Vie en BD. Et d'ailleurs, dans la même lignée, en termes de préoccupation, on a appris que le Salon du Livre de Paris sera l'occasion d'organiser une nouvelle manifestation des auteurs inquiets pour leur avenir. C'est ce qu'a annoncé le Conseil permanent des écrivains qui regroupe plusieurs organismes d'auteurs de l'écrit, dont justement le regroupement BD du Syndicat national des auteurs et des compositeurs. Donc, ils n'ont pas l'intention d'abandonner le combat après plusieurs initiatives, dont la Marche des auteurs, organisée durant le 42e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Donc, le regroupement a rédigé une lettre ouverte afin de rendre compte de la dégradation des conditions des auteurs. Revenus à la baisse, réforme sociale pour le moins préoccupante, droits d'auteur fragilisés par l'Europe. Celle-ci sera diffusée au prochain Salon du Livre de Paris. Dans un autre registre, on parle de la bande dessinée Un océan d'amour, que d'ailleurs Marco Duchesne, ici en Onde, avait beaucoup apprécié. Alors, déjà, Aurélie Dupri de la BD FNAC 2015, l'album Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione chez Delcourt, a reçu le Grand Prix de la bande dessinée bretonne lors du 4e festival quimpérois Peinard BD le week-end dernier. Et enfin, on termine cette série de notices sur une nouvelle fort triste. Le japonais Yoshihiro Tatsumi est décédé le samedi 7 mars à l'âge de 79 ans, fondateur en 1959 du Gegika, style de manga abordant des sujets graves centrés sur les préoccupations ou la sensibilité des adultes. Il faisait partie des Gegigaka les plus célèbres. Auteur de quelques centaines de récits, il avait reçu un prix spécial au Festival de la bande dessinée d'Angoulême 2005, puis le prix Regard sur le monde en 2012 à Angoulême encore pour Une vie dans les marges, version française qui avait été parue d'ailleurs chez Cornelius. Alors voilà pour ces coups d'œil. En musique, au fil de l'émission, on écoute la formation Meanings avec leur album Twilight Electric et on écoute un premier extrait. Thank you. voilà, toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Et tel que mentionné, ben, on va porter un regard sur la programmation 2015 du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et ben, pour nous accompagner là-dedans, dans cette lecture, dans ce regard, dans ce survol, et ben, le directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté, bonjour. Bonjour. Alors, Thomas-Louis, ben, premièrement, 28e édition, et j'ai l'impression, je sais pas si c'est une question de perception, mais à chaque année, vous en faites toujours un peu plus. On a un objectif quand même de croissance au festival. Et effectivement, à chaque année, on essaie d'ajouter des choses ou de tabler sur de nouveaux projets, aussi de se baser sur les choses qui ont marché les années précédentes. Donc, ça fait qu'à chaque année, effectivement, il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent et l'événement se bonifie. Et évidemment, avec ça, ben, toujours une belle présence d'auteurs du côté international et évidemment du côté québécois. Mm-hmm. On parle à peu près, encore une fois, à peu près 120 auteurs qui devraient être sur exactement. Place. Présentement, je suis autour de 116 d'après ma liste. Cependant, il s'ajoute toujours des noms. Présentement, la problématique est de gérer la place pour accueillir ces gens-là, parce que c'est une chose de les faire venir, mais je ne suis pas intéressé non plus à les faire venir pour faire signer 2 heures et c'est tout. Je veux les faire participer aux activités, leur trouver des animations, des tables, des rencontres d'auteurs et tout. Donc, j'essaie de rajouter des blocs, mais de façon intelligente. Oui, parce qu'en fait, l'espace reste limité. Au niveau du Salon du Livre, il y a toujours l'espace festival. Il y a aussi les éditeurs qui sont présents sur place. Donc, ça, c'est la dynamique dédicace. Là. Ben, la dynamique dédicace et animation, parce qu'on a quand même l'atelier BD et le Café Rencontre, qui sont deux lieux d'animation au Salon du Livre, qui nous permettent de présenter une centaine d'animations tout au long du salon. Cela dit, même si l'événement est sur 5 jours, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres événements ici ou ailleurs qui souvent sont 3 jours, 4 jours, nous à 5, c'est quand même une programmation qui est assez costaud à mettre en place. Reste que par les différentes plages horaires puis les publics qui fréquentent l'événement, ça nous limite sur certains types d'activités. Par exemple, sur semaine, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est les 2 jours, c'est les scolaires. Donc, une journée consacrée aux primaires, une journée au secondaire, puis une journée qui est plutôt mixte, ben on peut pas faire n'importe quoi pour la journée du primaire. Ça servira à rien de faire des tables rondes spécifiques ou des rencontres d'auteurs avec plusieurs des auteurs qui sont en visite chez nous. Donc, ça nous concentre vraiment au niveau de tout ce qui est rencontre d'auteurs et animation autour des productions, des diffusions qui sont faites vraiment durant le week-end. Parce que sur semaine, on a beaucoup d'animations qui sont dédiées aux jeunes, qui les amènent à toucher à la bande dessinée. C'est du dessin direct. Des animations qui les impliquent directement, des choses interactives, avec des auteurs québécois pour presque à 100%, dans le fond, des gens comme Julien Paris-Sorel, les gens du The Comics, Front Froid et autres, qui collaborent avec nous. Mais pour ce qui est des rencontres d'auteurs durant le week-end, là, on a un programme qui est assez costaud où, du matin jusqu'au soir, en continu, à chaque demi-heure, on a des rencontres d'auteurs, des démonstrations, des activités. Donc, dans les deux espaces, que ce soit le Café Rencontre BD ou l'Atelier BD. Et ça, j'ai l'impression que c'est une évolution, dans une certaine mesure, parce que, justement, dans les dernières années, il y avait quand même des rencontres un peu partout, mais là, dans le fond, vous avez pris la décision avec le festival de dire, on spécialise un peu nos journées pour bien répondre, dans le fond, aux besoins de la clientèle qui va être sur place au salon. Bien, on a déjà fait des rencontres d'auteurs, puis on en a encore cette année, durant les jours de semaine, quelques-unes, mais qui sont destinées spécifiquement aux groupes scolaires. Et on va en faire aussi dans les écoles, ce qui y allège un peu au niveau des rencontres d'auteurs sur semaine. Mais effectivement, à chaque année, on essaye de peaufiner la programmation pour apprendre de nos expériences puis répondre peut-être un peu mieux à certains besoins, que ce soit du public ou même des auteurs et des éditeurs. Donc, cette année, on a augmenté le nombre de rencontres d'auteurs, mais en réduisant un peu la durée. Mm-hmm. Parce qu'on avait fait des rencontres de 45 minutes ou des rencontres qui allaient même des tables rondes d'une heure et tout. Et là, on a essayé de se limiter à 30 minutes pour essayer de vraiment concentrer l'information puis de garder l'intérêt aussi du public. Là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en réponse à ça, sur semaine, il y a un peu moins de rencontres d'auteurs, justement, dans les périodes scolaires au salon, dans l'espace salon. Mais par contre, vous en faites à l'extérieur. Il y a évidemment les rendez-vous de la BD à Gabriel Leroy qui en offre, mais vous ouvrez aussi vers Frima Studio, entre autres. Là. Oui, comme tu dis, le mercredi soir du festival, c'est toujours l'occasion d'un rendez-vous de la bande dessinée à Gabriel Leroy, un rendez-vous spécial avec un invité. Cette année, c'est Emmanuel Lepage qui sera là, donc mercredi le 8 avril à 19h à Bibliothèque Gabriel Leroy. Et effectivement, cette année, on tente une chose, c'est qu'on va faire des mini-conférences sur l'heure du midi à Frima Studio. Donc, on invite les gens des boîtes de jeux vidéo de chez Frima et le grand public qui est intéressé à venir avec leur lunch le jeudi et vendredi à midi dans le hall qui est très grand là, de Frima Studio. Très accessible aussi. Effectivement. Et ce qui nous permettra d'avoir une conférence de Silvio Camboni le jeudi et de Eduardo Risso le vendredi. Donc, deux belles rencontres. Et justement, peut-être pour permettre aux gens de situer un peu les auteurs présents, on peut s'attarder peut-être aux noms internationaux. Thomas-Louis Côté, tu viens d'en mentionner deux, donc Silvio Camboni, Eduardo Risso. Qui sont-ils? Et je fais une parenthèse aussi, on a un auteur italien, c'est pas fréquent, visite italienne à Québec, et c'est une première visite argentine aussi, d'une première visite d'Eduardo Risso au Canada ou au Québec à tout le moins. Oui, donc Eduardo Risso, c'est l'auteur de 100 Bullets. Ça, c'est un auteur qui a travaillé pour différentes boîtes américaines, principalement DC, je crois, qui a même dessiné Batman. Une pointure, si on veut, dans le monde du comic qui est un trait extraordinaire. Un trait extraordinaire, puis qui a une technique qui va justement discuter lors de la rencontre chez Frima Studio, mais qui est vraiment intéressante dans sa démarche et dans sa structure. C'est quelqu'un qui a publié également en Europe différents albums, donc on est très très heureux de l'accueillir, puis effectivement, je crois que c'est sa première fois au Canada, sinon c'est assurément sa première fois au Québec. Et dans le cadre d'un événement qui est consacré à la bande dessinée, non aux comics, moi c'est ce que je trouve intéressant aussi. Un peu comme on avait eu Charlie Adler il y a quelques années, qui nous a fait l'honneur d'être à sa première visite au Canada, chez nous. Sinon, Silvio Camboni, ben, c'est un auteur italien qui a travaillé sur plein de projets en Italie, notamment sur les projets Disney en Italie. Donc, tout ce qui est Scrooge et les différents albums qui sont publiés en Italie. Disney a différentes éditions, espagnoles, italiennes et tout. Puis lui, il avait travaillé sur les éditions italiennes et a aussi travaillé, ben, a publié dernièrement chez Glénat le Voyage extraordinaire. Donc, c'est super beau ce qu'il fait. On sent un peu son trait Disney, mais vous allez adorer, je crois, puis c'est quelqu'un qui est vraiment sympathique, donc ça vaut l'occasion de venir le rencontrer. Et effectivement, c'est la première fois que le festival accueille un invité italien. Pour ce qui est d'Eduardo Risso, c'est la deuxième fois qu'on accueille un auteur argentin. On avait eu Lucas Varela il y a quelques années, qui était issu d'un partenariat avec un festival justement à Buenos Aires. Cette fois-ci, Eduardo, c'est à noter que c'est aussi l'organisateur du festival de Rosario, une ville voisine de Buenos Aires. Donc pour nous, c'est une occasion de recevoir cet auteur-là, mais aussi de créer des liens, de renouveler des liens avec l'Argentine. Oui, un peu dans les suites d'ailleurs, enfin, on te reçoit à l'occasion de retour de tes missions internationales, que ce soit Angoulême, à Lyon, à Saint-Malo et ailleurs, où justement, on voit dans le fond, dans des programmations comme ça, la résultante de ce travail de défrichage et de rencontres et d'échanges que tu fais un peu partout. Bien, cette année, c'est un bel exemple, dans le fond, parce qu'au-delà d'Eduardo Risso, que j'ai d'ailleurs rencontré à Lyon, on reçoit deux auteurs qui nous sont envoyés par Quai des Bulles, donc l'événement de Saint-Malo, Joub et Nicobi, qui viennent en résidence donc du 30 mars au 13 avril, ce qui permettra pour eux de produire des strips sur leur expérience au Québec, donc quelque chose qui va être très intéressant à suivre, et j'espère qu'ils vont éventuellement mener vers quelque chose. Et c'est un échange qu'on tente de développer avec eux là, au niveau des résidences. On aura également un spectacle qui est développé avec Lyon BD, donc au Petit Champlain, Paroles de planche. Encore là, c'est dans la vague des échanges qu'on a avec Lyon BD depuis 2011. On a fait les deux dernières années des spectacles qui ont été présentés à Québec et à Lyon, et on repart sur un nouveau cycle de 2 ans avec ce spectacle-là. Donc, un spectacle qui est consacré au scénario de bande dessinée. Donc, on va laisser de côté un peu le côté image et dessin en direct qu'on a exploité de plus en plus avec les projets comme la Ligue d'impro BD et différents projets qu'on a montés conjointement avec Parenthèse 9. Mm-hmm. Donc, pour cette présentation-là, on a travaillé sur le scénario. Donc, il va y avoir 8 albums de bande dessinée québécois et français qui vont être mis en parole par des comédiens québécois et français. Donc, on aura du côté des Québécois nos deux ambassadrices pour cette année, Anne-Elisabeth Bossé et Lise Castonguay. Donc, Anne-Elisabeth Bossé qu'on a pu voir dans Série Noire notamment, et Lise Castonguay qui est une actrice de théâtre de Québec fort reconnue. Donc, ils nous font l'honneur d'être nos ambassadrices et qui seront accompagnées par Jean-Philippe Bergeron, qui est aussi à l'initiative de ce projet-là au départ, et qui sera accompagné aussi par les Lyonnais, donc deux comédiens lyonnais, plus Tony Curien, qui est un partenaire depuis les deux dernières années sur les projets qu'on a montés avec Lyon. Et tout ça en musique aussi avec Nicolas Jobin, qu'on connaît bien à Québec et qui a collaboré à plusieurs de nos projets, et un musicien lyonnais. Donc, ça permettra vraiment de présenter la bande dessinée autrement, encore là. C'est un thème qui revient souvent dans notre événement puis dans les projets qu'on monte, encore là, conjointement avec Parenthèse 9, souvent. Et je pense que c'est une des volontés du festival puis qui fera se refléter aussi dans d'autres volets de notre programmation, là. Oui, mais c'est intéressant aussi de monter des collaborations un peu à travers justement d'événements, de spectacles. Il y a Parole de planche, d'ailleurs, dans ce cadre-là. Et tu mentionnais Thomas-Louis Nicobi, qui, lui, participe à une reprise du Comptabule, la deuxième fois que le festival va offrir donc ce concept qui, lui, vient de Quai des Bulles à Saint-Malo. Effectivement. Donc, l'an dernier, on avait présenté au Musée national des Beaux-Arts une première version de Comptabule avec Yolaine Todd-Picard et Philippe Girard. Cette année, on reprend l'initiative, un nouveau conte de Yolaine, encore une mise en musique de Todd Picard, mais au dessin, on va avec Nicobi, qui est justement un des représentants de Quai des Bulles, qui est à l'initiative de ce projet-là de Comptabule, qui a été créé par Jean-Claude Fournier, qui était un des fondateurs du Festival de Quai des Bulles. Donc, Nicobi est dans l'organisation de Quai des Bulles. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de chacun de mes passages là-bas. Et je suis très heureux de l'accueillir, dans le fond, pour présenter ça. Comme on a travaillé avec lui aussi à Saint-Malo en octobre dernier pour la présentation d'Impro BD. Donc, c'est possible également qu'il participe à l'Impro BD à nouveau cette fois-ci à Québec. Oui, puis en fait, il y a un plaisir, j'imagine, de s'associer comme ça avec d'autres événements, de nouer des partenariats autour, justement, de manière alternative, de faire découvrir la BD au-delà des dédicaces, au-delà des expositions. Bien, tu sais, tout le côté dédicace d'un événement de bande dessinée, je dirais que ça va de soi, il y en a. C'est pas quelque chose sur lequel on peut innover. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qu'on peut créer autour de ça pour la présenter différemment. On a un projet de non-dédicace, d'ailleurs, qui serait un semblant de dédicace, mais où il n'y a pas d'échange de signatures et de dessins. Mais comme tel, on essaie de proposer d'autres types de rencontres. Et souvent, c'est ce qui vient créer des liens justement avec les événements d'ailleurs, parce que tout le monde cherche à enrichir sa programmation. Donc, de le faire conjointement, c'est le fun. Puis d'échanger des projets, puis ça permet justement des échanges qui peuvent perdurer dans le temps, puis qui nous enrichissent l'un l'autre. Et en même temps, on sent aussi avec les années qui passent une ouverture du festival à élargir un peu la notion de francophone, de publication francophone. Donc oui, sur les publications d'auteurs francophones, mais aussi sur les publications disponibles en langue française. C'est le cas de 100 Bullets avec Eduardo Risso. C'est le cas aussi, par exemple, de Tom Gold, l'auteur de Goliath, de Vous êtes tout jaloux de mon jetpack, qui est parmi aussi les invités internationaux cette année. Mais effectivement, ça, c'est un auteur qui nous vient des éditions Alto, donc qui a publié son dernier album. Donc, on est très heureux qu'il nous permette de l'accueillir à Québec dans le cadre de notre programmation. Et effectivement, le festival a, depuis quelques années, changé un peu sa perception de la notion de francophone. On trouvait à un certain moment qu'on pouvait se limiter aussi à que ce soit la Suisse, la France, la Belgique. On avait l'Espagne qui collaborait avec nous, mais on cherchait toujours à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, puis d'aller voir dans d'autres pays. Donc, la notion de francophone, dans le fond, la limite qu'on s'est fixée, c'est que les albums des auteurs doivent être disponibles en français. Si l'auteur est anglophone, hispanophone, voire coréen, du moment que son album est disponible en français, nous, c'est un auteur qui peut être intéressant pour nous. Donc, ça nous amène à élargir de beaucoup nos possibilités, puis on espère exploiter ça de plus en plus au fil des ans. Oui, j'ai l'impression que c'est au bénéfice de toute façon des lecteurs aussi, dans la mesure où on a accès à d'autres bassins de talents, puis à des scènes BD qui sont extrêmement dynamiques, que ce soit au niveau des comics, que ce soit au niveau de la BD indépendante américaine ou canadienne, que ce soit au niveau de la bande dessinée britannique. Ouais. Et des humours, en fait, si on parle de Tom Gold, je veux dire, il y a un humour là-dedans qui est dans la lignée de Monty Python, qui devrait marcher ici, à mon sens. Je veux dire, si on n'a pas lu ces BD-là, il faut les lire. C'est hilarant pour qui aime ça. Oui, mais faut dire dire aussi que plusieurs de ces auteurs-là qui sont dans un marché qui n'est pas francophone ont un intérêt marqué pour ce qui se produit dans la bande dessinée franco-belge. J'ai en tête justement Charlie Adler, qui est l'auteur de Walking Dead, qui est reconnu à travers le monde pour ce qu'il fait dans Walking Dead, qui est invité dans les Comic-Con un peu partout, mais c'est quelqu'un qui adore aller dans les événements français. C'est quelqu'un qui est à Angoulême depuis quelques années. Il adore la bande dessinée européenne. Il s'est fait plaisir même en publiant des albums chez Soleil parce que c'est un type de bande dessinée qu'il aime. Donc, c'est surprenant des fois sur des auteurs qui ne sont pas francophones, leur intérêt à ce qui est la bande dessinée franco-belge ou francophone, franco-québécoise, peu importe, mais à découvrir ça, à faire des rencontres. Puis ça change beaucoup parce que c'est des gens qui sont souvent, Eduardo Risso en est un beau cas, qui sont invités à travers le monde dans les Comic-Con, et dès qu'on peut leur proposer quelque chose de différent, ben ça leur plaît. Et parallèlement aussi, on parle de BD franco-belge, évidemment, il y a des auteurs bien établis aussi qui sont de passage, notamment François Valtéri qui est de retour, qui était déjà passé, je crois, l'auteur de Natacha. Oui, un jeune auteur émergent. Non, François Valtéri est effectivement un un auteur qui est passé de façon régulière depuis les 28 dernières années. Donc moi, je suis là depuis 10 ans, ça fait la deuxième fois qu'il passe, mais je sais que dans les premières années du festival, les 10-12 premières années, il était venu peut-être 3-4 fois. Donc, c'est quelqu'un qui adore le Québec et qui adore venir rencontrer les lecteurs ici. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de l'accueillir. Et au niveau d'auteurs jeunesse aussi, Benoît Ferroumont, notamment, si on reste dans les auteurs belges. Oui, donc au niveau des auteurs belges, cette année, ben, on en a 4, comme tu as sûrement la liste sous les yeux, mais Benoît Ferroumont, qui est un auteur qui nous vient de l'écurie d'Argot Dupuis, donc, qui vient avec la boîte de diffusion. Nous, on a également Olivier Grenson, qui est un auteur de Lombard, qui vient nous visiter, François Valtéri, puis on a aussi Jean-Luc Cornette, qui est un auteur qui vient en résidence, donc pour le mois d'avril et mai, donc un 2 mois, qui est une résidence croisée Québec et Bruxelles. Donc il y aura un auteur de bande dessinée québécois qui va aller passer 2 mois également à Bruxelles, puis c'est une résidence qui est mise en place avec le CALC et divers organismes wallons. Donc le festival est très heureux d'être associé à ce type de résidence-là aussi, pour accueillir un auteur comme Jean-Luc qui va pouvoir rencontrer ses lecteurs ici, mais qui va également participer tout au long des 2 mois ici à différentes activités. Vous aurez sûrement l'occasion de l'entendre sur les ondes ici. Oh oui, assurément. Et sinon, au niveau de la France, aussi une bonne délégation. Enfin, on a mentionné évidemment Nicobi, mais il y a aussi Cécile Brosseau, Romain Hugo, Joub, Nicolas Keramidas, Nicolas Wilde, Emmanuel Lepage qui vont être là. Oui, ben la France est toujours très présente au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. C'est des amis de longue date, le Consulat général de France à Québec et différents organismes. Et justement, le fait qu'on soit associé à des événements comme Quai des Bulles, Lyon BD, pour lequel Nicolas Keramidas vient, donc ça nous permet d'enrichir notre offre au niveau des auteurs français. Et comme tu le cites dans la liste des auteurs que tu viens de nommer, on a vraiment une variété au niveau des auteurs qui viennent, que ce soit Nicolas Keramidas, qui est dans la lignée des éditions Soleil, quelqu'un comme Nicolas Wild, qui a fait Kaboul Disco, en passant par Emmanuel Lepage, qui est chez Futuropolis et qui fait des très beaux BD reportages depuis quelques années. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts à ce niveau-là. Oui, ben en fait, ça répond. En fait, on parlait au départ de la diversité de clientèle. Ben nécessairement, pour aller chercher ces différentes clientèles, autant que le panorama le plus élargi possible de lectorat, vous pouvez pas vous cantonner à un style, à un univers graphique. Au contraire, faut éclater le tout le plus possible. Ouais. Ben, ce qui nous guide dans le choix des auteurs internationaux, c'est souvent au niveau des choix de programmation ou des rencontres. C'est-à-dire que si on a des besoins spécifiques par rapport, tu sais, je pense à Emmanuel Lepage qui vient déjà quand on a eu l'idée de le faire venir, c'était dans l'optique qui fasse une conférence qui va avoir lieu samedi après-midi au Musée de la Civilisation, une conférence dans le genre Grands Explorateurs sur ses livres. Donc, il va le faire sur La Lune est blanche, son dernier album, où il raconte une mission scientifique à laquelle il a participé en Antarctique. Donc, on est allé le chercher pour ça. Cela dit, il y a certains auteurs comme Nicolas Ville, par exemple, qu'on a rencontré à Lyon BD, qui est issu de la rencontre. On a vraiment aimé le bonhomme, donc on a été intéressé à le faire venir pour ça, puis pour qu'il rencontre les gens au Québec aussi. Donc, il y a des coups de cœur, il y a des coups de tête, c'est vraiment très varié, mais on essaie d'avoir, comme tu dis, un panorama assez large pour représenter les différents styles produits en bande dessinée actuellement. On n'est pas un festival spécialisé dans l'humour, dans le jeunesse et autres, on est vraiment un festival généraliste au niveau de l'offre qu'on peut faire, puis ça se représente dans nos choix d'auteurs et dans la programmation. Et tu mentionnes la conférence d'Emmanuel Lepage le samedi après-midi, ça devient un peu une habitude, dans mesure l'an dernier, je crois que c'était une conférence sur Haïti qui avait été présentée. Là, maintenant, on va en Antarctique et sur l'idée de faire voyager grâce à la BD, d'offrir un contenu complètement autre et de profiter justement de l'expertise d'auteurs dans un contexte de bande dessinée documentaire. Parce que, en fait, celle de Lepage a gagné le prix France Info, donc c'est quand même pas rien. Oui, et comme tu dis, le samedi après-midi est consacré à l'évasion depuis 2 ans. Donc, l'an dernier, on avait, comme tu mentionnais, la conférence de Julien Paris-Sorel sur son projet en Haïti. Il y avait la collaboration qu'on a eue avec Lyon l'an dernier qui se déroulait à ce moment-là. Cette année, en plus de la conférence d'Emmanuel Lepage sur ce superbe album, je tiens à le souligner, ça va vraiment valoir la peine pour l'entendre raconter cette aventure-là qui est unique, parce qu'il y a peu de gens qui vont avoir l'occasion de le vivre, et de voir les images qui lui a dessinées ou que son frère a pris en photo pour raconter tout ça, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Mais en prélude de ça, il y a un spectacle aussi, un concert dessiné de musique du monde. Donc on reste vraiment dans l'optique d'évasion. Un spectacle qui s'appelle Panorama et qui permettra de voir l'orchestre Roule ta boule présenter des musiques d'un peu partout dans le monde, illustrées en direct par André Gag-Gagnon et Valérie Morency. Donc, question d'avoir un après-midi thématique. Exact. On se déplace, on découvre, on voyage. Et c'est ouvert à tous, c'est toute la famille et c'est gratuit. Oui, parce que c'est le cas de la plupart, en fait, avant d'aller en pause, c'est le cas de la plupart des activités du festival. En fait, tout est entrée libre. Il y a le salon, évidemment, qui a le coût du salon. Et sinon, tu mentionnais, il y a Planche de vie qui est la seule activité payante, finalement. Oui, Parole de planche, qui est un spectacle au Petit Champlain dont les billets sont à 12 $ plus frais de service, donc 14,50 $. Mais sinon, on tente de rendre la programmation le plus accessible. Je dirais que c'est ajouté également un spectacle le dimanche après-midi au Cercle. Donc, un spectacle autour de Satie avec une mise en musique et dessin de Francis Desharnais. Donc, on y reviendra peut-être cette semaine pour annoncer les détails de ce spectacle-là. Mais ça aussi, ce sera payant. Mais c'est à coût minime. Je crois que c'est 10 $ et 5 $ pour les enfants. Donc, tout ça tombe dans un besoin de développer des spectacles peut-être un peu plus importants à certains niveaux, et effectivement à ce moment-là la billetterie s'impose à certains égards. Donc. Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, tu restes avec nous, on continue de survoler la programmation au retour de la pause. Le Radioton de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Procurez-vous votre carte de membre de 25 $ ou faites un don de 20 $ et plus avant le 27 mars 17 h et courez la chance de gagner le prix pré-radioton de 150 $ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership de Sillon le Disquaire d'une valeur de 150 $. Pour renouveler votre carte de membre ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9 h et 17 h ou par Internet avec le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Pour commencer votre journée bien informée, écoutez les Matins éphémères du lundi au vendredi de 7 h à 9 h avec Caroline Stephenson. Les Matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. Des boulangers et des cuisiniers passionnés qui préparent chaque jour avec un plaisir renouvelé des pains artisanaux, des viennoiseries, des sandwichs et des pizzas de qualité supérieure. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue Limoilou et le 289 Saint-Joseph-Est. Boiteapain.com. Entre paranoïa, violence et héroïsme, l'univers du légendaire héros BD Red Ketchup, créé par Réal Godbout et Pierre Fournier, est imprévisible et déjanté. 5 artistes de Québec ont ouvert leurs âmes à cette folie pas toujours douce, le temps de lui rendre hommage avec Rouge Ketchup, une soirée multidisciplinaire unique en son genre. Rendez-vous au Cercle les 24, 25 et 26 mars, 20 h. Billets en vente, 10 $ à la porte. Rouge Ketchup, une présentation de Parenthèse 9, en collaboration avec le Cercle, le Festival de la BD francophone de Québec et CKRL. Venez plonger dans un univers Rouge Ketchup. Depuis 20 ans déjà, le bar Le Sacrilège soutient le milieu culturel de Québec. Tous les mercredis et jeudis, ainsi qu'un samedi par mois, Le Sacrilège remet 75 cents par pinte de bière vendue à un organisme de la région. Théâtre, danse, musique ou projet universitaire, une sortie au Sacrilège est une façon simple et agréable d'encourager les artistes et créateurs d'ici. L'horaire et tous les détails sur le site lesacrilège.com. Passez-nous voir au 447 rue Saint-Jean. Écoutez tous les lundis 18 h 30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Salut, c'est Tyr le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. CKRL 89.1, Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réécouter les émissions qu'on vous propose via le blog lavieenbd.wordpress.com, que vous pouvez également nous trouver sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui est toujours avec nous pour survoler justement la programmation 2015. Et il y a évidemment aussi une multitude d'activités autour du Salon du Livre, autour de différents spectacles aussi et différents lieux. On mentionnait tout à l'heure en fait le Comptabule qui est présenté le dimanche 12 avril à 13h au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est dans le cadre d'une journée qui est rééditée cette année après le succès de l'an dernier, donc une journée où les auteurs vont prendre contact avec les œuvres du musée. Exactement. Donc l'idée est de les amener à prendre un moment de dessin tranquille dans un cadre public. Donc, on les invite à dessiner dans les salles de saison de la photo, donc les 3 expositions qui sont présentées depuis quelques semaines là au Musée des Beaux-Arts. Donc, le matin et l'après-midi, il y aura 6 ou 8 auteurs dans les salles qui vont faire des dessins en direct, qui ont une heure et demie. Ils prennent vraiment leur temps de discuter aussi avec les gens. Et ces dessins-là seront exposés ensuite de ça jusqu'à la fin du mois de mai. Quand même. Oui, et on invite les gens à venir sur place. Il y aura du matériel aussi. Si jamais eux veulent se prêter aussi au jeu de dessiner en fonction des œuvres qui sont sur les murs, donc on aura du matériel sur place pour qu'ils s'amusent. Et en parallèle, dans le registre exposition aussi, une autre assez originale que j'avais eu l'occasion de voir à Lyon, de mon côté, Héroïne, qui va être présentée pratiquement tout le mois d'avril à la bibliothèque Gabriel Leroy. Oui, donc on a plusieurs expos, on a une douzaine d'expos durant le festival, dont 5 qui sont dans le réseau des bibliothèques de Québec. Héroïne est une exposition qui a été montée par Lyon BD et Jean-Christophe Devenet, et qui, dans le fond, a invité des auteurs à féminiser des personnages, des couvertures de bandes dessinées. Donc, ça nous amène à porter un nouveau regard sur certains personnages, Hellgirl et des choses comme ça. Et c'est une exposition qui est vraiment rigolote, si on veut, super intéressante et qui se veut aussi une critique un peu, je pense, de la place déficiente des femmes dans la bande dessinée. Oui, il n'y a pas tant de grandes héroïnes féminines comme il y a de grands héros masculins, malheureusement, en fait. Exact, c'est souvent des personnages secondaires qui viennent en appui aux héros, mais dans ce cas-ci, on tentait de faire une exposition qui est 100% féminine par rapport aux personnages qu'on connaît. Et également, en fait, on en parle, je pense, à chaque année, ça nous paraît être un incontournable, les résidences estivales du Festival de bande dessinée à Québec. L'an dernier, c'était Loïs Trandem qui était de passage. Et il y a une continuité qui est faite au Festival cette année, mais en extérieur. Oui, donc on a eu la volonté de présenter les planches qui ont été réalisées par Loïs Trandem lors de son séjour et qui seront publiées dans Les Petits Riens en juin prochain. Donc, ce qu'on va faire, c'est une exposition extérieure sur la clôture de du cimetière St. Matthews dans le quartier du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, car le Faubourg Saint-Jean est un des partenaires du festival également, donc il y a différentes activités, que ce soit Foubar, Ninkasi et autres, et du dessin en vitrine comme on fait à chaque année. Mais cette année, on voulait rajouter un petit plus, donc on a fait cette exposition-là qui va être extérieure et qui va être là durant toute la durée du festival et même plus. Oui, en fait, quand on disait que ça s'étend aussi largement au fil du mois, c'est le cas pour les expositions de bibliothèque. Si on regarde au niveau des activités, outre les expositions, c'est en prélude du festival, il y a l'événement Rouge Ketchup qui est développé par Parenthèse 9, donc déjà 24, 25, 26 mars. Ensuite de ça, ça part et il y a des expositions qui débordent jusqu'à, après ça, je pense qu'au 15 mai. Donc le festival est présent sur une période très longue. On a le cœur des activités du 8 au 12, ce qu'on mentionne comme date tout le temps. Mais si vous n'êtes pas à Québec du 8 au 12 et que vous êtes un fan de BD, il y aura quand même plein de choses à faire avant et après le festival. Et en parallèle aussi, haute mention, si on va du côté de la Basse-Ville de Québec, dans le quartier Saint-Roch, il y a la galerie Mangan Bridge qui va héberger un atelier du 3 au 12 avril, atelier d'un peintre bordelais qui fait aussi de la BD, qui s'appelle Mr. Kern. Oui, donc Mr. Kern, qui est un auteur qui est en résidence à Québec à l'invitation de l'Institut canadien et l'Éclat Aquitaine, un organisme bordelais. Donc, il est ici pour mars à avril, 2 mois. Nous, pour le festival, on lui a fourni la galerie Morgan Bridge. Donc, il va avoir 10 jours pour créer une exposition en direct. Et le public est invité à aller le voir, donc tous les jours, entre midi et 17h. Et voir plus si vous voyez que c'est ouvert le soir en fonction de l'horaire de l'artiste. Mais aller voir ce qu'il fait, découvrir l'exposition qui sera vivante. Et assurément, il y aura des auteurs invités ou des illustrateurs invités qui vont se joindre à Mr. Kern pour s'amuser dans la galerie et ajouter à l'exposition. Et il y a un style assez particulier au niveau visuel, en fait, très réaliste, puis un peu parodique aussi en même temps. Là, oui, Mr. Kern est issu du street art, donc il est habitué de travailler sur dans la rue, sur des murales et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui fait de très belles peintures, effectivement satiriques, drôles, qui des fois peuvent être un peu caustiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet présentement de bande dessinée avec les requins-marteaux. Donc, il vient à Québec le développer dans le cadre de sa résidence. Et nous, on lui offre cette possibilité-là pour qu'il s'amuse à développer une histoire de bande dessinée, mais en sous forme d'exposition. Donc, pour rejoindre deux de ses atouts. Et en parallèle, il y a une autre création en direct qui va être effectuée les 4 et 5 avril dans le cadre de l'exposition Histoire de quartier. Donc là, il y a la façade de Sherpa qui va se peinturer également en direct. Donc Histoire de quartier, qui est une exposition qui va réunir 11 auteurs de la relève de Québec, donc qui ont travailler sur des planches racontant les histoires de leur quartier ou de quartiers qu'ils ont visités, qu'ils ont vécu. Donc, une exposition qui risque d'être fort intéressante et qui va assurément se promener dans la ville par la suite. Donc, eux font une activité le 4 et 5 avril, une murale effectivement à l'extérieur de la galerie Sherpa qui se situe sur le boulevard Charest près de la rue Caron. Et encore là, on est encore en aval du festival avec tout ça. Oui. Et sinon, Thomas-Louis, on parlait du samedi après-midi au Musée de la civilisation. Vous n'y êtes pas que le samedi après-midi non plus. Vous y êtes aussi le vendredi samedi soir. Oui, donc vendredi soir, une reprise donc numéro 2, si on veut, de Swing et BD. Donc une soirée qui s'appelle Swing and Love, un spectacle musique, swing, danse et bande dessinée qu'on a développé de concert avec Parenthèse 9, encore là. Un événement qui, l'an dernier, avait attiré, 450 personnes. C'est fou. J'avais été moi-même agréablement surpris à quel point ça avait suscité un engouement. Donc, on espère cette année que ces 450 personnes reviennent avec leurs amis. Et plus. Donc, une soirée vraiment endiablée qui est c'est fou. Enfin, il faut venir pour le comprendre, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, dès 20h le vendredi. Et le samedi, on a la traditionnelle soirée de la Ligue québécoise d'improvisation au musée. Donc, encore là, un tournoi qui va regrouper des auteurs et des comédiens de Québec principalement, mais aussi des auteurs invités de l'Europe et de Montréal. Donc, un beau mélange pour une soirée qui est toujours très populaire également. Oui, puis ça vous permet aussi, ça permet au festival de faire la jonction entre ses activités de festival puis ses activités annuelles, parce que évidemment le festival n'arrête pas d'exister après le festival. Non, effectivement, on poursuit avec les Québécoises, entre autres, lors des mois suivants. On a un match dès le mois de mai, ensuite. Oui. Oui, il y en a le 22 mars, puis ensuite le 9 mai, si je ne me trompe pas. La grande finale, le 9 mai. Et d'autres projets, dont cet été, on aura des nouveaux projets, une nouvelle résidence et tout. Donc, effectivement, le festival a un cœur d'activité qui est quand même assez costaud lors de l'événement, mais on développe de plus en plus à l'extérieur. Là. En fait, c'est l'ambition est là et les moyens de plus en plus. L'ambition est là. Les moyens, faut les trouver, mais on faut se les donner aussi, puis c'est ce qu'on va faire. Il y aura des nouvelles de ce côté-là, d'ailleurs, qui vont être annoncées durant le festival. Mais c'est ça, c'est pour l'instant, je ne peux en parler. Mais d'une certaine façon, en fait, ça devient nécessaire pour le festival. Dans le fond, ça semblait la phase logique de poursuivre un peu dans cette voie-là, avec justement le succès de l'événement, plus autant que des activités qui pourront proposer autour de l'événement, celles qu'on a mentionnées, les résidences, la Ligue et le reste. Oui, ben les résidences, on le voit cette année, lors de l'événement, on reçoit quand même trois auteurs en résidence. Il y a celle de l'été, on a le projet d'une autre, peut-être plus vers l'automne. Je crois que les résidences sont quelque chose sur lequel il faut miser pour l'organisme, l'événement. C'est quelque chose qu'on fera pour le futur. Donc, il y aura d'autres projets qui seront annoncés de ce côté-là. Mais également, la venue de la Maison de la littérature, la présence d'un organisme comme Parenthèse 9 et tout, font qu'à Québec, il y a plein de possibilités pour la bande dessinée, et on serait fou de s'en passer et de ne pas profiter de ça pour développer des choses. Donc, autant s'associer puis de développer de plus en plus. Je pense que le festival est rendu là. Dans le fond, on a semé des graines depuis 28 ans. Il y a plein de choses qui ont poussé. Il y en a qui ont resté. Et il y a plein de nouvelles choses qui se sont ajoutées aussi. On fait tout ça, puis on fait un beau jardin de bande dessinée à Québec. Et au niveau des auteurs aussi présents, évidemment, on s'est beaucoup attardé aux auteurs internationaux, mais sinon, en parcourant la liste des gens qui vont être présents, et je pense que c'est la formule que j'ai tendance à utiliser, c'est comme tout le monde est là, au bout du compte, au Québec. Tous les auteurs sont là ou presque. Ben, ce qui est surprenant, c'est que justement, non. On a beaucoup de monde. On a une centaine d'auteurs québécois qui seront présents. Mais pour vraiment être honnête, par rapport à la vitalité du milieu actuellement, c'est vraiment pas tout le monde. Beaucoup de monde qui présentement cette année n'ont pas nécessairement sorti d'album. Donc, on essaie de se concentrer sur les auteurs qui, dans l'année, ont sorti un album ou dans les deux ans. Mais quand même, ça fait une foule. Là, ça serait malheureux de dire ceux qui ne sont pas là, mais on a beaucoup, beaucoup de monde quand même. Et tu parlais tantôt d'Yves Rodier, de l'annonce qu'il a fait aujourd'hui. Je lui souhaite d'ailleurs la meilleure des chances là, pour la suite. Et c'était une annonce malheureuse, mais compréhensible selon le message. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais donc, Yves sera là. Il y aura une rencontre d'auteurs de 12h30 à 1h le dimanche avec lui et Cécile Brosseau, qui est l'auteur avec qui il a travaillé pour le projet qu'il a développé chez Lunac. Mm-hmm. Donc, puis Yves, qui a un historique avec le festival. Dans sa carrière, le festival, je pense, a joué un rôle à un certain moment quand même important. La présence de Réal Filion, le fondateur du festival, qui l'a accompagné dans ses débuts. Bref, c'est une boucle qui sera bouclée, dans le fond, si on veut, avec la présence d'Yves lors du festival. Mais je pourrais parler également de la présence de différentes personnes, comme Julie Rochelot, qui a fait une superbe affiche pour le festival. Les gens de Lunac, avec Gauthier Langevin, je vois Iris avec Yves Pépeltier. Il y a plein de monde. La liste complète sur fbdfq.com, la liste complète des activités aussi, le journal du festival qui va être disponible à partir du 26 mars prochain également. Oui. Puis si je peux rajouter un petit quelque chose, je tiens à souligner que pour les auteurs étrangers, il y a plusieurs auteurs cette année qui seront en tirage afin de régler certains problèmes d'engorgement qu'on avait par les années passées. Donc, allez encore là sur le site du festival pour voir lesquels et les règlements aussi de ces tirages-là. Ah ben voilà. Donc, je rappelle l'adresse fbdfq.com. Thomas-Louis Côté, directeur général de l'événement, merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se dit à la prochaine. Effectivement. Et nous, on repart avec un petit extrait musical, toujours donc tiré de Meanings de Twilight Electric. Et toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier toujours avec vous. Et pour notre dernière ligne droite, on est maintenant en compagnie de notre collaborateur Mathieu Place. Salut. Salut Raymond, salut tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Et Mathieu, ce mois-ci, en fait, tu t'es attardé tout particulièrement à la série Saga, premier épisode. Oui, en fait, c'est ça, je suis allé dans la librairie Première Issue, là, qu'on connaît bien. Et bon, ils m'ont proposé Saga. Et puis, c'était un peu à l'extérieur de mes habitudes, là. Bon, habituellement, ceux qui connaissent mes goûts savent que j'aime la bande dessinée américaine ou anglophone, mais un petit peu décalée, noir et blanc. Et puis là, ici, avec Saga, on s'en va vers quelque chose de plus classique, cartoon ou super-héros là, américain. Et puis, bon, le format ressemble à une bande dessinée américaine style Spider-Man, mais on est un peu dans quelque chose d'un peu plus décalé que des classiques super-héros américains. En fait, Saga, de ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est une longue série, je n'en ai lu que le premier épisode pour l'instant, je ferai la suite pour les prochains épisodes. En fait, Saga, c'est une histoire qui est une histoire de science-fiction. On a deux clans. On a un clan avec des créatures ailées et puis l'autre clan qui a des créatures avec des cornes de bouc. Et ces deux clans-là se font la guerre. Et puis au travers de ça, il y a d'autres races de créatures qui sont au travers de ça, des personnages qui ont une télévision à la place de la tête. On a d'autres personnages qui sont des espèces de fantômes rouges assez impressionnants, des femmes araignées, bon, toutes sortes de créatures là, qu'on peut retrouver dans un univers comme celui de Valérian ou bien dans les bandes dessinées de Moebius. Et puis, au travers de ça, on a nos héros qui sont un homme et une femme qui ont un bébé. Tout de suite au début de la bande dessinée, on voit que c'est la naissance du bébé en question. Et toute la narration de la bande dessinée se fait des yeux du bébé. Mais quand il est plus âgé. Alors, c'est comme s'il racontait l'histoire de sa naissance et l'histoire de ses parents, comment ils se sont sauvés de cette guerre-là, etc., etc. Alors, bon, c'est intéressant. C'est une histoire de science-fiction. Mais franchement, pour l'instant, je trouve ça, somme toute, assez conservateur, assez classique. Il y a des thèmes qui sont là et puis quand je les ai vus arriver, j'ai été un peu comme déçu là. En fait, les deux amoureux là qu'on découvre au début de la bande dessinée, en fait, c'est la femme vient d'un des clans et puis l'homme vient d'un autre des clans. Alors on ça est c'est dans Roméo et Juliette. C'est ça, on a vu ce motif là des centaines et des centaines de fois. Bon, il y a un des autres héros, en fait, c'est comme une espèce de baroudeur, chasseur de primes, méchant, mais on voit qu'il y a un cœur tendre, tu sais, au fond de tout ça. Alors on voit Han Solo, on voit Mendoza, on voit tous les personnages moitié bons, moitié méchants là, qu'on voit dans la bande dessinée classique. Aussi, il y a un personnage assez énigmatique, un homme avec une télévision à la place de la tête, là, mais qui se trouve on sait pas trop exactement ce qu'il recherche, mais il recherche ces deux héros-là. Et puis, on dirait qu'il y a quelque chose dans le jeu qui est pas encore déterminé, mais qui lui appartient. Et puis bon, il essaie de voguer au travers de ça. Alors bon, quelques bonnes idées, quelques personnages intéressants, mais ça reste somme toute assez classique. Et le dessin est très beau. Par contre, c'est très très très léché là. T'sais, on sent qu'il y a eu du dessin, puis après ça, c'est Photoshop qui est passé par-dessus pour mettre les couleurs. Le texte est pas fait à la main, mais tu sais, c'est du texte qui a été placé par ordinateur par la suite. Alors, tu sais, on reste dans la bande dessinée classique américaine, pasteurisée, là, tu sais, mm-hmm. comme on voit de manière classique. Ben bon, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir où ça nous mène. Mais c'est une bande dessinée, une série qui est très, très, très populaire aux États-Unis. Alors, on en entend parler assez largement. Donc ben, c'est ça. Fait que je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore saisi là, dans l'histoire. Il y a quelques personnages intéressants, intrigants, mais les motifs de base là sont quand même assez connus. Fait que je vais vous donner la suite de mes impressions par la suite. Mais s'il y en a qui aiment la bande dessinée de science-fiction, les bons dessins et puis ce genre d'univers là, ben écoutez, c'est exactement ça. Et l'autre titre sur lequel tu voulais nous entraîner, Mathieu, c'est The Cute Manifesto. En fait, The Cute Manifesto, ça a été écrit et dessiné par James Kochalka, que j'aime beaucoup. En fait, c'est un BDiste qui fait beaucoup dans les histoires personnelles. Bon, tu sais, il va faire de l'autobiographie. En fait, la première bande dessinée qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il s'est assis, puis il a décidé, bon, ben, je vais faire un dessin par jour, et puis je vais le publier sur un blog. Et puis, bon, peu à peu, après avoir fait des centaines et des centaines de dessins, dessin, mais il a développé son style et puis ça finit par être une publication qui a eu beaucoup de succès. Et ensuite de ça, il a fait d'autres bandes dessinées. Des fois, c'est très satirique, des super-héros qui sont complètement démentiels, ou encore c'est très personnel. Dans ce cas-ci, il a écrit The Cute Manifesto, qui, comme le nom l'indique, c'est un manifeste. Alors, c'est le manifeste Cute, et là-dedans, en fait, il présente des idées par rapport à la bande dessinée, par rapport à, comment dire, la manière de vivre, une manière de vivre sa vie, et c'est quoi la voix d'un artiste? Alors, c'est assez intéressant parce que moi, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre-là où les gens essayent, tu sais, ils essayent de faire quelque chose, ils essayent de dire quelque chose. En fait, c'est un essai dessiné, un pamphlet, oui, au-delà d'une bande dessinée classique, là. Exactement. Justement, dans le livre, à un moment donné, il dit c'est un essai. Tu sais, il est à sa table, puis il est en train de se perdre un peu dans ses idées, là, puis il dit, ben, où est-ce que je vais m'en aller avec cet essai-là? Alors, il y a à peu près 3-4 idées, là, principales qui sont au travers de cette bande dessinée-là. En fait, une des idées, c'est craft is not a friend. Craft is the enemy. Alors, craft, c'est, comment dire, le souci du détail, l'artisanat qui est lié à la bande dessinée. Alors lui, il y a un style de bande dessinée qui, en fait, qui est pas lié à ça, là. Tu sais, c'est-à-dire que son style est très, très bien, très beau, mais c'est assez simple. Alors c'est pas le genre à faire du détail à infini. Alors lui, il dit craft is the enemy parce qu'il a l'impression que dans la bande dessinée, il y a toute une partie de la bande dessinée, toute une partie des amateurs de la bande dessinée qui s'attardent trop, selon lui, au dessin, à la manière de faire, à l'expertise, là, technique. De faire du beau, mais d'essayer de faire du trop réaliste. Donc lui se place un peu en lien avec ça. Il s'insère d'ailleurs dans un débat qui est assez large sur le type de dessin. Est-ce qu'on préconise le message sur le côté réaliste, le détail du dessin? Donc comment on se positionne? Comment les lecteurs se positionnent? Exactement. Puis c'est un débat qu'il y a aussi dans la musique, qu'il y a aussi dans toutes sortes de formes d'art. Par exemple, en musique, ben, tu sais, d'un côté, t'as les punk rockers qui, eux, avoir trop de connaissances en musique, c'est presque mauvais. T'sais. De l'autre côté, t'as les gens qui font du métal, qui sont des virtuoses complets, là, avec leur musique. Alors, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Alors, dans la bande dessinée, notre ami James Kochalka, il se positionne vraiment en tant que personne qui dit, utilise les compétences que tu as présentement. Arrête d'essayer de développer tes compétences ou tes connaissances en dessin et puis dis quelque chose maintenant. Essaie d'écrire quelque chose maintenant. Alors lui, justement, il écrit cette lettre-là tout de suite au départ de sa bande dessinée du Cute Manifesto et par la suite, ben écoute, il essaie de dire quelque chose. Il essaie de faire un texte sur la vie, sur comment vivre, et puis il parle de la naissance de son premier bébé, il dit comment ça a changé sa vie. C'est un ouvrage aussi qui fait référence à l'actualité américaine depuis une dizaine d'années, alors tout ce qui est guerre, etc. Il essaie de se positionner par rapport à ça, et puis son message essentiellement, c'est quand même assez humble, là, c'est vraiment d'essayer de juste de profiter du moment, là. Alors je dirais peut-être que c'est le message est un peu simpliste et peut-être. En fait, avec toute cette démonstration-là, on s'attendrait peut-être à. Ben c'est ça, on s'attendrait à avoir quelque chose de peut-être un peu plus spectaculaire ou plus nouveau ou plus détonnant de ce qu'on entend habituellement. Mais en même temps, après ça, j'y ai réfléchi puis je me suis dit, ben non, ça fonctionne parce que le gars il a dit, je vais dire ma vérité à moi. Cette vérité-là, c'est ça, c'est vis ta vie simplement, puis profite de ce qu'il y a autour de toi, essaie de t'intégrer dans le monde physique au lieu d'être juste dans tes pensées, essaie de toucher au monde, essaie de vivre le monde physique, et puis ben c'est ça, tu sais, ça devrait pas être plus compliqué que ça, selon lui, tu sais, ça devrait pas être plus compliqué que ça. Alors c'est normal que sa thèse soit simple et presque simpliste, mais écoute, c'est ça sa vérité. Alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette bande dessinée-là, parce que le gars, il s'est placé, il s'est dévoilé, puis il a écrit ce texte-là là, par rapport à la naissance de son enfant, puis comment ça l'a repositionné par rapport à la vie. Évidemment, au travers de ça, ben, il y a toutes sortes de petites anecdotes là, par rapport à la naissance de son enfant. Et à la fin du texte, on se rend compte, parce que là, c'est une réédition, on se rend compte que il a relu son texte, et puis là, il relativise un peu. Il a écrit un texte par la suite, de quelques lignes seulement, mais il se repositionne pour dire, ben, il y a des vérités que j'ai placées dans ce livre-là. Je les ai placées comme étant des vérités absolues. Mais bon, là, je relativise un peu, mais c'est quand même intéressant comme document. Alors, je dirais, pour ceux qui sont curieux, Cute Manifesto, c'est intéressant. C'est un artiste qui essaie de dire sa vérité. Mathieu Place, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on se dit au mois prochain. Au mois prochain. Voilà, donc c'était Raymond Poirier au micro pour cette édition de La Vie en BD. Nous, on se dit à vendredi prochain, évidemment. Et d'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.